Je m'appelle Mylène et bon, je suis née à Irun, c'est juste à la frontière. Mais bon, j'ai habité à Lesaka aussi pendant 4 années. C'est juste à côté ici, à 20 km d'Irun, mais c'est du côté espagnol, on dirait. Et après, je suis venue vivre avec ma famille ici en Dai. Alors on dirait que je suis été toute ma vie en train de vivre entre les deux côtés. Que suppose la frontière pour vous? Pour moi, ça représente pas beaucoup de choses dans ma vie du jour à jour, non, on dirait. Oui, je connais le conflit basque, je sais qu'il y a que ça existe, cette frontière. Mais vraiment, moi, j'ai maintenant 24 ans et je me rappelle presque pas de la douane non plus. Alors pour moi, ça n'existe pas une frontière physique, non? C'est plutôt une frontière, oui, de deux États, que je sais que ça existe, mais pour moi, comme je crois au Pays Basque et qu'on habite dans une même nation, c'est pas réellement une frontière. Y a-t-il des difficultés liées à vivre dans une zone frontalière? Peut-être avec l'administration, pour, je dirais surtout pour les papiers. Parce que j'ai eu des moments que j'étais résidente en France. Maintenant, non, dans mes papiers, je suis espagnole et je suis résidente en Espagne en ce moment. Alors, oui, il y a eu des moments, par exemple, pour faire le permis de conduire, je devais choisir si je voulais vivre en France ou en Espagne pour faire les écoles ici ou là-bas. Il y a eu de petits problèmes comme ça, mais surtout pour des choses administratives, on dirait. Y a-t-il des avantages liés à vivre dans une zone frontalière? Certainement, et la langue, par exemple, non? Et moi, par exemple, j'ai appris le français parce que je suis été à l'école à Hendaye. Et ici, j'étais à l'Ikastola, c'est une école qu'on apprend en basque, mais aussi en français. Parce que l'administration, bon, on dirait qu'on est dans l'État français, alors c'est pour ça que j'ai appris le français. Pour moi, ça, c'est un avantage parce que maintenant, j'ai trois langues, non? L'espagnol, le français, le basque. Y a-t-il des différences culturelles ou sociales d'un côté et de l'autre de la frontière? Oui, il y en a. Oui, il y en a parce que les États, ils ont une influence de beaucoup d'années. Ils sont des États, non? C'est des grandes institutions qui ont fait beaucoup de travail pour que ça existe un peu, cette frontière, non? Et on dirait que oui, culturellement, il y a beaucoup de gens qui disent, non? Il y a l'ambiance, par exemple, si tu vas à Irun, normalement, si tu vas à 9h de l'après-midi, sûrement que tu vas rencontrer des bars, des gens dans la rue. Et en Dai, peut-être que non, non? Parce que c'est une autre manière de vivre, plutôt chez nous, dans les maisons. Et à Irun et Fontarabi, par exemple, c'est plutôt plus dans la rue, plus du sud, non? Quels sont les points en commun d'un côté et de l'autre de la frontière? On a une même langue, pour commencer, non? Même si on est dans deux États, on a le basque, on parle bien Hendaye ou bien Irun, ou des fêtes, des... Oui, il y en a beaucoup de choses en commun. Pouvez-vous citer des projets ou des associations qui travaillent dans une perspective transfrontalière? Bon, des associations qui ont le contexte ou qui admirent le Pays Basque, pour commencer, toutes ces associations, ils travaillent avec une perspective de nation, non? Alors pour eux, normalement, il n'y a pas une division entre Irun et Hendaye, par exemple. Peut-être il y a des différentes petites associations qui travaillent, mais avec le même sens et la même direction, la même idéologie. Pouvez-vous citer un événement, un lieu ou un jour particulièrement transfrontalier? Moi, je me rappelle il y a 2-3 années, je crois qu'ils ont fait... Bon, il y a eu un jour qu'on a fait tous les différents maisons de jeunes du Urugn, de Hendaye, d'Irun, de Fontarabi, qu'on a fait comme un petit tour en vélo. Je me rappelle que pour moi, c'était très joli, hein, dans ce sens aussi, non? Parce qu'on a fait un tour pour tous les villages. L'amour, maitasuna.